Mais tout de suite, c'est le retour de la méthode scientifique avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Le retour tant attendu, Tant comme chaque jour à attendu, tant 16h. espéré. Merci beaucoup, Mathieu Garrigou-Lagrange. À demain. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sortent de nos usines pour envahir la planète. Notre consommation de matière plastique a été multipliée par 20 en 50 ans. Le problème, c'est que seule une petite partie de ce plastique est aujourd'hui recyclée et une encore plus petite partie est biodégradable. Si la communauté internationale commence à prendre des mesures pour limiter l'ampleur des dégâts, tant sur la vie terrestre océanique que pour la pollution atmosphérique, ces mesures vont-elles pouvoir compenser la quantité de plastique non recyclable et polluant qui sort encore chaque jour des chaînes de production? Un monde sans plastique est-il possible? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question fort complexe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'entreprise Carbios, professeur détaché à l'INSA à Toulouse et chercheur au LISP. C'est le laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Brésisel à Quimper avec Stéphane Bruzeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Bretagne Sud, à l'Institut de Recherche Dupuy de l'Aume. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter, où nous postons en direct tout un certain nombre de liens vers des études, vers des schémas, vers des graphiques. Bref, tout un tas d'informations complémentaires à ce qui va se dire au micro pendant cette heure. C'est sur le fil, en vous abonnant au fil Twitter, @laméthodeFC. Alors pour commencer, peut-être allons-nous, si vous voulez bien, plier cette émission rapidement à la question « Un monde sans plastique est-il possible ?» La réponse, Alain Marty, est non. Merci d'avoir accepté notre invitation. À plus tard. Non. Je dirais que oui, aujourd'hui, la réponse est clairement non. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on produit plus de 400 millions de tonnes de plastique dans le monde. Si on regarde dans ce studio, nous sommes entourés de plastique. Je pense que chaque auditeur, il suffit qu'il regarde un peu chez lui son environnement et il verra son stylo est en plastique, son portable est en plastique, son ordinateur est en plastique. On m'a gentiment servi un verre d'eau qui est en plastique dans une bouteille qui était en plastique. Donc, pour le moment, le plastique, se débarrasser complètement du plastique, même à moyen, voire à long terme, Stéphane Bruzeau, c'est un objectif qu'il ne faut même pas chercher à viser. Oui, tout à fait. Je partage complètement l'opinion d'Alain Marty, puisque je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus fine pour ce qui concerne les plastiques. Oui, ils ont sûrement une image quelque peu négative, mais en tous les cas, ils sont indispensables à notre vie quotidienne. On a souvent tendance à assimiler et à associer les plastiques à l'emballage. Il faut savoir, et tout le monde le sait, qu'ils sont utilisés dans bien d'autres secteurs de la vie quotidienne et dans lequel on ne pourrait pas imaginer se passer de plastique dans les années qui viennent. Bon, je peux citer le biomédical, par exemple. Je peux citer d'autres secteurs comme le bâtiment, comme l'automobile, où il est aujourd'hui inenvisageable d'imaginer concevoir une automobile, un avion, d'utiliser du matériel biomédical, par exemple, qui ne soit pas en plastique pour une multitude de raisons. On peut dire d'ores et déjà, la part de l'emballage sur la quantité de plastique produite est utilisée. Quelle est-elle, Stéphane Bruzeau? À peu près 40%. Alors c'est vrai que c'est le secteur qui est le principal utilisateur de matières plastiques, à hauteur de 35-40% selon les années. Et puis ensuite, il y a deux gros secteurs aussi utilisateurs de matières plastiques, qui sont l'industrie du bâtiment et l'industrie du transport. transport, l'automobile, l'aéronautisme, le nautisme, qui aussi utilise beaucoup de composants en fait en plastique, essentiellement pour des raisons de résistance, mais aussi surtout pour des raisons d'allègement des objets. Quoi. Donc si l'objectif n'est pas de se débarrasser du plastique, quels sont les enjeux aujourd'hui en 2018, Alain Marty, de la production du plastique? C'est mieux l'utiliser, moins en utiliser, mieux le récupérer, changer les types de plastique qui sont aujourd'hui couramment utilisés. Quels sont les enjeux industriels? Pour fixer les idées, aujourd'hui, on l'a dit, on produit 400 millions de tonnes de plastique et ça génère plus de 125 millions de tonnes de déchets, dont 9 millions à peu près qui finissent dans la nature et principalement dans les mers et les océans. Donc aujourd'hui, il y a deux volets importants. C'est faire des plastiques plus respectueux de l'environnement, donc plus biodégradables ou recyclables. Stéphane Bruzeau, ce sont aujourd'hui les deux voies d'amélioration, le recyclage et de nouveaux plastiques biosourcés, biodégradables, qu'on va traiter au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une sélection à faire, certains plastiques à retirer, diminuer la variété des plastiques, changer la façon dont on produit les alliages? Je pense que déjà la première question à se poser, c'est de savoir, lorsqu'on conçoit une matière plastique, effectivement, pour quelle utilisation, à quelle utilisation elle doit se rapporter. Moi, j'attache assez d'importance à la réflexion sur la durée d'utilisation du plastique en comparaison de sa durée de vie, c'est-à-dire de la durée qu'il va mettre pour se dégrader complètement. Je citais souvent l'exemple, je parle au passé, puisqu'aujourd'hui il n'a plus tellement lieu d'être, puisque les sacs plastiques non biodégradables sont dorénavant interdits, mais je citais souvent l'exemple du sac de supermarché que l'on va utiliser quelques minutes, alors qu'il va mettre des dizaines d'années, voire quelques siècles, à se dégrader complètement. Donc je pense que dans ce cas-là, le ratio entre la durée d'utilisation et la durée de vie du plastique est à mon avis complètement qui est trop importante et défavorable. Est trop importante, et il faut arriver effectivement à concevoir des plastiques dont la durée d'utilisation est en rapport avec leur durée de vie. Et dans le collimateur, après le sac à usage unique de supermarché ou le sac de caisse, il y a les pailles en plastique, qui sont, on ne le pense pas, mais des polluants très embarrassants au niveau écologique parce qu'elles sont mal sélectionnées, mal filtrées, mal recyclées. D'ailleurs, on peut noter que le 3 février prochain sera la journée internationale sans paille. Donc voilà, faites attention, si vous voulez utiliser moins de plastique, renoncez aux pailles. Bientôt, une législation aussi européenne contre les couverts et les assiettes et les couverts en plastique qui vont être peu à peu... Oui, c'est ça, à partir de 2020. D'ici 2018, 2019, il y a aussi toutes les microbilles qui servent comme exfoliant dans les formulations de cosmétiques, les bâtonnets aussi De coton-tige, s'ils ne sont pas en plastique biodégradable. Donc il y a un certain nombre d'utilisations effectivement des plastiques qui vont être interdites progressivement d'ici les années 2025. Voilà, ne sont pas en plastique biodégradable. C'est ça, les coton-tiges en 2020 et les microbilles, c'est interdit depuis le 1er janvier 2018. Donc ça vient de passer. Donc on reparlera de ces enjeux de recyclage et d'une meilleure utilisation du plastique, mais on voit en tout cas, Alain Marty, que les pouvoirs publics, la communauté européenne, mais aussi au niveau international, d'autres grands pays commencent à prendre la mesure de la nécessité de réduire l'utilisation des plastiques, d'en limiter au maximum l'usage. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, avec moins de plastique? Oui, c'est sûr. Si on regarde l'exemple des sacs de caisse, c'est un exemple qui illustre bien le problème. En France, ne serait-ce qu'en France, on utilisait 15 milliards de sacs en plastique. 25 milliards en Italie chaque année. Et aujourd'hui, sous la pression gouvernementale en particulier, finalement, on peut réduire drastiquement l'utilisation de ces sacs plastiques. Et je pense que dans tout ce qui est emballage, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. Est-ce qu'on a quelques chiffres, Stéphane Bruzeau, parce que la France n'est pas le premier pays à avoir restreint l'utilisation des sacs à usage unique. D'autres pays l'ont fait, certains depuis plus longtemps, je pense au Danemark par exemple, ou à la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, en tout cas des mesures d'interdiction ou de coûts, parce qu'il y a des pays qui ont choisi de faire payer 5, 10, 15 centimes d'euros le sac à usage unique. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne progressivement. Beaucoup de pays, y compris dans des pays moins développés, ont aussi fait voter de telles interdictions. Alors après, la question, c'est de savoir quels moyens, effectivement, quelle substitution, quelle alternative on a pour remplacer ces sacs plastiques. C'est pas forcément toujours simple, mais en tous les cas, de toute façon, moi je pense quand même qu'il y a une prise de conscience générale, aussi bien au niveau du citoyen moyen qu'au niveau des industriels, qu'au niveau des associations. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui fait que, de toute façon, on va essayer d'aller vers une société où l'utilisation des plastiques sera beaucoup plus raisonnée qu'elle n'a pu être, on va dire, depuis les années 60 ou 70. Il y a une responsabilité, vous pensez aujourd'hui, l'un et l'autre, de certaines industries, même de certains fabricants de plastique qui ont poussé à la roue, qui ont poussé à la consommation des années 70. On peut parler des grands plastiquiers, si vous m'autorisez ce néologisme, que sont par exemple BASF en Allemagne ou Dow Chemical aux États-Unis, Stéphane Bruzeau. Oui, bien sûr. Bon, en plus, une industrie qui est portée par les pétrochimistes. Il faut pas oublier qu'à la base, la matière première qui permet de fabriquer un plastique, ça reste le pétrole. Et dans les années, au cours du XXe siècle, dû à l'essor de la pétrochimie et à la découverte dans les années 60 d'un catalyseur qui a permis de fabriquer des plastiques en quantité extrêmement élevée, on a vu effectivement, on conduit à une production exponentielle des matières plastiques dans la deuxième moitié du XXe siècle et une production qui ne fait qu'augmenter depuis les années 70. Alain Marty, sur cette responsabilité des grands fabricants de plastique. Je pense qu'on est tous responsables. Les consommateurs sont responsables, les producteurs de plastique sont responsables, et puis les grands utilisateurs de plastique sont aussi responsables. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est un peu à un tournant où à la fois, sous la pression des consommateurs, ce qu'on appelle les brand owners, les gens qui utilisent ce plastique, mettent la pression sur les producteurs de plastique pour trouver des solutions qui soient plus raisonnables. Les brand owners, c'est les grandes entreprises. On peut citer les entreprises qui utilisent des bouteilles en plastique, évidemment, les constructeurs, les fabricants de soda, par exemple. Par exemple, si on prend Coca-Cola, il y a des chiffres quand même, moi, qui m'impressionnent. Coca-Cola, aujourd'hui, utilise 129 milliards de bouteilles à l'année. Et si on prend toutes les bouteilles, tout confondu, c'est 500 milliards de bouteilles par an. Alors, comme ça, ça ne parle pas vraiment. Mais si on ramène ça à la minute, ça fait 1 million de bouteilles produites par minute dans le monde. Stéphane Bruzeau ? Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre à tous les industriels qui ont poussé au développement du plastique, parce que s'ils ont été effectivement autant développés et aussi rapidement, c'est aussi parce qu'ils présentent de nombreuses qualités, notamment en termes de légèreté, notamment en termes d'hygiène, notamment en termes de résistance, et notamment dans le secteur de l'emballage. Mais par exemple, effectivement, la notion d'allègement, c'est une notion qui est primordiale, puisque plus vous allez alléger les chargements, plus vous allez économiser du carburant. Donc il y a aussi derrière l'explosion des plastiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a aussi vraiment des raisons justes qui expliquent ce développement extrêmement important de matières plastiques, au détriment du verre, par exemple, pour ce qui concerne l'emballage, ou du métal, qui sont des matériaux qui sont beaucoup plus lourds et qui donc vont générer aussi des chargements qui seront beaucoup plus lourds et beaucoup plus consommateurs en carburant, et aussi un peu moins hygiénique pour ce qui concerne le métal si on le compare aux matières plastiques, et peut-être aussi un peu moins durable, parce que la notion de durabilité pour un plastique, c'est-à-dire le temps pendant lequel on va pouvoir l'utiliser sans qu'il ne se dégrade, c'est aussi une caractéristique importante pour un plastique, notamment utilisé dans l'emballage, puisqu'on a besoin effectivement d'avoir des matériaux qui ne se dégradent pas dans des conditions particulières, qui peuvent être des conditions agressives, telles que l'agroalimentaire, ou pour des contenants de produits chimiques, ou des contenants de produits médicaux, par exemple. On a aussi besoin d'avoir des matériaux qui soient résistants, hygiéniques, non contaminants, et qui permettent de garder ces produits-là un temps relativement long. Alain Marty. Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Évidemment, les plastiques rendent s'ils sont tant utilisés, c'est qu'ils rendent des services nombreux et variés. Donc, ils sont beaucoup plus légers, à résistance mécanique égale. Et donc, ça permet effectivement, comme cela vient d'être dit, de faire des économies d'énergie. En termes de sécurité, par exemple, dans les voitures, maintenant, les pare-chocs sont faits en plastique. Et donc, ils ont des déformabilités qui permettent de mieux absorber les chocs. Et donc d'être plus sécuritaires. Ils sont moins sensibles à la corrosion que pas mal de métaux. Donc il y a plein d'avantages aujourd'hui au plastique, bien évidemment. Le plastique n'est pas juste ce grand mal dont il faudrait se débarrasser à tout prix et à n'importe quel coût. Peut-être un mot pour terminer cette première partie un peu introductive. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelles sont les principales industries utilisatrices de plastique, Stéphane Bruzeau ? Oui, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement, bon, le leader, évidemment, c'est l'emballage. Ensuite, beaucoup le bâtiment, beaucoup l'automobile, hein, toujours pour ces raisons, ou le transport de manière générale. Hein, et puis après, des secteurs un peu plus anecdotiques, comme le sport et le loisir, comme le biomédical. Quand on regarde, quand on va dans un hôpital, par exemple, on constate qu'autour de nous, on a beaucoup d'objets plastiques. Hein, le secteur de l'électricité, de l'électronique, où il y a beaucoup de composants, de gaines de câbles, par exemple. Mais ça peut représenter des kilomètres et des kilomètres, hein, lorsqu'on ajoute les câbles les uns après les autres. Mais les trois leaders, ça reste quand même l'emballage, le bâtiment et puis l'automobile. Quoi. Alain Marty. Oui, on peut citer peut-être quelques applications des principaux plastiques. Si on prend le plastique le plus important aujourd'hui, c'est le polyéthylène. Le PET Le PE, pardon. Le PE qui peut être basse ou haute densité et avec lequel on va faire des sacs poubelles, des films, des bâches, des flacons, des emballages semi-rigides. Le polypropylène qui permet de faire les pare-chocs d'automobile dont je parlais, des jouets qui est très utilisé aussi dans nos avions, le PVC qui sert à faire les canalisations, des meubles de jardin, des volets, et puis le polystyrène qui est à la fois un isolant thermique dans nos maisons et puis qui va servir à des barquettes alimentaires par exemple qu'on va retrouver chez McDonald's. Et puis le fameux PET donc, que vous mentionniez, qui lui sert à faire nos bouteilles d'eau et nos bouteilles de soda. Et qu'on dénonce comme étant certainement l'un des plus polluants, l'un des moins facilement recyclables. On va en parler justement et on va remonter un peu les manches et entrer dans le laboratoire de chimie. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h16 sur France Culture, vous écoutez la méthode scientifique et nous parlons d'un monde de plastique, comment y remédier, comment diminuer la part du plastique dans notre vie quotidienne, dans différentes industries. Peut-être faut-il donc refaire un peu de chimie, Stéphane Bruzeau et Alain Marty, on parle de plastique comme un grand ensemble. Or, Alain Marty vient d'en donner un certain nombre de plastiques différents, avec des propriétés très différentes. Quelles sont les grandes familles de plastique, Stéphane Bruzeau. Les trois grandes familles, thermoplastique, thermodurcissable, élastomère, on peut s'accorder sur ces trois grandes branches de plastique avec des qualités très distinctes. Oui, c'est ça, et qu'on peut décliner même en sous-groupes, en fait, dans les thermoplastiques. On peut distinguer les thermoplastiques qui vont être rigides, semi-rigides, souples, pour différentes utilisations. Ensuite, on a ce qu'on appelle des thermodurcissables, effectivement, qu'on appelle un peu vulgairement parfois des résines. L'industrie des composites, par exemple, en utilise énormément. Et puis, il y a le secteur aussi des caoutchoucs et des élastomères, hein, dont la matière, effectivement, la matière principale est le caoutchouc, qui est, rappelons-le quand même, une substance d'origine naturelle, hein, qui, après traitement chimique, conduit à des caoutchoucs que l'on connaît pour l'industrie des pneumatiques, par exemple. Hein, mais on peut souligner que certains élastomères, certains caoutchoucs, sont d'origine naturelle, extraits d'une sève, d'un arbre qu'on va saigner. L'EVA, le latex. Ensuite, l'EVA brasiliensis, qu'on cultive dans les pays d'Asie du Sud-Est, au Brésil, en Afrique. Tous les grands manufacturiers de pneumatiques ont des cultures d'EVA dans ces régions-là. Et ensuite, donc, on récupère la sève qu'on va traiter chimiquement par des réactions de vulcanisation au soufre ou au peroxyde pour transformer justement cette sève, qui est un suc visqueux, pour transformer cette sève en une matière caoutchoutique telle qu'on le connaît pour les joints, pour les pneumatiques ou les semelles, tout ce qu'on peut rencontrer autour de nous comme objet dit élastomère ou caoutchoutique. Dites-nous un mot de ce procédé de vulcanisation, parce qu'il va en être question à plusieurs reprises au cours de cette émission. En quoi ça consiste, vulcanisation, parce qu'on utilise du soufre, hein, comme dans les volcans? Entre autres, ouais, du soufre ou des peroxydes, il y a différents agents de vulcanisation, et ça permet en fait de transformer un liquide visqueux, on va dire, en une matière qu'on peut qualifier de matériau avec des propriétés donc attendues à celle de matériau, quoi. Donc c'est une opération de chimie. Plus précisément, plus finement, qui consiste à lier des liaisons entre elles et d'apporter justement une cohésion mécanique, une résistance qui est bien supérieure évidemment à celle du suc de la sève qu'on récupère de l'EVA. Alain Marty, sur ces grandes familles de plastique, hein, vous avez donné quelques usages tout à l'heure. Quelles sont les différentes qualités qu'on attend des thermoplastiques d'une part, des thermodurcissables de l'autre, des élastomères dont Stéphane Bruzeau vient de parler ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur une de vos critiques sur le PET. Vous avez dit qu'il était très décrié parce que très peu recyclable. Parmi tous les plastiques qu'on vient de citer, c'est peut-être celui qui est le plus recyclé, le plus recyclable, et avec lequel on a le plus d'espoir dans l'avenir d'avoir quelque chose qui soit 100% recyclable. Le polyéthylène, aujourd'hui, c'est un plastique à durée de vie très très longue. On parle de combien d'années ? Stéphane Bruzeau pourrait peut-être le dire mieux que moi, mais je pense que c'est en centaines d'années que ça se compte. Stéphane Bruzeau. Ouais, c'est ça. C'est difficile de citer un chiffre précisément, mais on peut dire plusieurs décennies, voire quelques siècles. Alors beaucoup parlent de 400 ans, mais bon, je pense que c'est un peu illusoire de citer des durées aussi précises que celle-ci. Mais en tous les cas, c'est un plastique effectivement qui va mettre des dizaines d'années à se dégrader complètement. Voilà, j'allais répondre 400 ans, mais c'est purement livresque comme information. Oui, c'est aujourd'hui, ça, c'est un chiffre qui circule beaucoup. Oui, puisqu'on en produit que depuis une soixantaine d'années, donc forcément, c'est difficile de l'estimer. Et dans 400 ans, on ne sera plus là. Ouais. Enfin, nous, non, mais qui sait, peut-être qu'il y aura des êtres humains mixés, je ne sais pas, hybridés avec du plastique. Et donc, le PET, c'est un polyester. Et pour un chimiste, un polyester, c'est des liaisons entre une fonction acide carboxylique et une fonction alcool. Et ça, finalement, la nature, c'est quelque chose qu'elle sait assez facilement dégrader, assez facilement. Alors que, par exemple, le polyéthylène, ce sont des liaisons carbone-carbone. Et là, c'est pour la nature très, très compliqué de briser une liaison carbone-carbone. Il y a plusieurs étapes, plusieurs réactions qui doivent être réalisées, en particulier des réactions d'oxydation. Donc aujourd'hui, le PET a une forte croissance. Aujourd'hui, on en produit de l'ordre de 64 millions, je crois, dans le monde. Et c'est certainement un des polymères qui a un bel avenir du point de vue du recyclage. Soit tout l'inverse de ce que j'ai dit par erreur tout à l'heure. Et merci de m'avoir rectifié, de m'avoir corrigé. Peut-être peut-on dire également un mot, Stéphane Bruzeau, de la fabrication des plastiques. Parce qu'on parle de polymères, mais les plastiques, ce ne sont pas que des polymères, et ça va poser d'ailleurs un certain nombre de problèmes quand on va aborder la question du recyclage. Pour créer un plastique choisi avec les caractéristiques que l'on souhaite, il y a une chaîne de fabrication avec les polymères au départ, mais un certain nombre d'ajouts. C'est ça. Alors, si on veut bien reprendre la chaîne dès le départ, dès la matière première qui est le pétrole, en fait, on va extraire du pétrole un certain nombre de molécules carbonées, des alcanes, qu'on va extraire par distillation. Ces alcanes, ensuite, on va les transformer chimiquement pour en faire des alcènes, des petites molécules avec une double liaison carbone-carbone. Et ces alcènes, dans un deuxième temps, on va les polymériser pour obtenir ce qu'on appelle un polymère, donc une succession de monomères, une succession d'alcènes accolées les uns aux autres. Et ce polymère, ensuite, donc cette longue chaîne d'atomes de carbone ou de différentes fonctions, ce polymère est souvent inutilisable en tant que tel si on ne le formule pas, c'est-à-dire si on n'additionne pas ce qu'on appelle des adjuvants ou des additifs qui vont permettre d'améliorer ses propriétés, notamment par exemple de le plastifier s'il y a lieu, pour lui apporter une meilleure ductilité, notamment pour le stabiliser par exemple vis-à-vis des rayons UV visibles du soleil. La plupart des plastiques sont tous stabilisés parce que sinon le polymère seul ne résiste pas suffisamment longtemps vis-à-vis des rayonnements UV visibles. Si on veut un plastique de couleur, eh bien on va intégrer des pigments, des colorants. Si on veut une bassine rouge, par exemple, eh bien on va le formuler en introduisant des pigments rouges. Et donc, ce qu'on appelle le plastique, c'est justement ce qu'on appelle la formulation, le compoundage en termes industriels, entre une matrice polymère obtenue par polymérisation de molécules directement extraites du pétrole et l'association de différents additifs tels que ceux que je viens de citer. On peut aussi imaginer introduire des charges pour abaisser le coût, en particulier le coût final du plastique. Donc il y a tout un savoir-faire autour de la formulation, autour du compoundage qui est indispensable pour arriver à formuler des plastiques qui répondent à un cahier des charges donné, puisque ce qu'on vise tout le temps, évidemment, c'est d'élaborer un matériau répondant à un cahier des charges en termes de propriété et donc en termes d'utilisation ultérieure. Et ces adjuvants, ce sont souvent des cocktails d'adjuvants qui sont le savoir-faire même des industriels qui formulent ces plastiques-là. Aujourd'hui, on a une idée du nombre de variétés de plastiques que l'on peut obtenir grâce à cette chaîne et en fonction justement des caractéristiques et des propriétés que l'on souhaite à ces matières plastiques, Stéphane Bruzeau ? Une multitude. je pense que c'est difficilement chiffrable. Parmi les grands polymères, les grands plastiques, bon, on en recense, on va dire, une petite dizaine, mais qu'on peut quand même décliner de différentes manières, justement, en jouant ensuite sur la formulation. Alors, les formulations sont souvent des recettes qui sont, on va dire, secret industriel, puisque c'est la recette effectivement de chaque formulateur, de chaque compounder qui va justement élaborer son plastique au regard souvent d'une commande de la part d'un client qui va vouloir tel plastique avec telle propriété pour telles utilisations. Donc on peut imaginer formuler en fait une multitude de plastiques qui peuvent répondre effectivement à des cahiers des charges extrêmement divers pour une multitude d'utilisations. Alain Marty. Oui, pour donner un exemple que je connais un peu mieux, si je reviens au PET, donc le PET, c'est un polymère qui est fait à partir de deux monomères, que sont l'acide terephthalique et l'éthylène glycol, donc un diacide et un diol. Et en fonction de lors de la polymérisation de la longueur de la chaîne du PET, eh bien on va pouvoir faire une fibre textile, ou on va pouvoir faire une bouteille, ou une fibre technique qui va rentrer, par exemple, dans la composition d'un pneu. Dans les renforts de pneus, en particulier des pneus de camion. Quels sont aujourd'hui l'état de nos connaissances sur la dégradation de ces polymères? Est-ce que tous les plastiques se dégradent de la même façon? Est-ce que tous les plastiques se dégradent aussi mal? Quelles sont aujourd'hui les différentes modalités de dégradation de ces plastiques de synthèse, Stéphane Bruzeau? Alors c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué parce que dès lors qu'on aborde la dégradation, voire la biodégradation, ces phénomènes-là sont très dépendants des conditions dans lesquelles effectivement sont exposés les plastiques. Donc c'est difficile de répondre précisément à cette question-là lorsqu'on ne connaît pas les conditions justement de dégradation ou de biodégradation. Néanmoins, de manière générale, pour ce qu'il s'agit des plastiques traditionnels, comme le disait Alain Marty tout à l'heure, les plastiques que l'on connaît, le PE, le PP, le polystyrène, ce sont des longues chaînes carbonées qui sont difficilement attaquables aussi bien par l'eau que par des micro-organismes, par exemple. Et ce sont des plastiques, en général, qui sont durables, qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Après, effectivement, il y a des fonctions chimiques au sein des chaînes polymères qui peuvent permettre de sensibiliser le plastique vis-à-vis des attaques par l'eau, vis-à-vis des attaques par les micro-organismes, et auquel cas, évidemment, la dégradation peut être accélérée, un tant soit peu en tous les cas, par le biais de l'introduction d'un certain nombre de fonctions spécifiques qui vont fragiliser quelque part le polymère au cours du temps. Alain Marty. Oui, moi je ferai une réponse d'un biologiste que je suis. Je classifierai ça. Les polyesters sont des plastiques qui sont assez facilement attaquables par la nature, par des enzymes par exemple. Les polyamides en termes de complexité, c'est un peu plus compliqué. Et puis tout ce qui va être tous les autres, le PE, le polystyrène, où on a des liaisons carbone-carbone, ben ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. On reproche souvent aux différents plastiques de se dégrader en plus de façon assez nuisible pour l'environnement, c'est-à-dire en se dégradant en produisant un certain nombre de microplastiques, de microbilles, de microéléments qui vont ensuite aller se répartir dans l'environnement et principalement dans l'océan. Est-ce que tous les plastiques se dégradent de cette façon-là, Stéphane Bruzeau, ou est-ce que c'est le cas de certains plastiques spécifiques? À la longue, oui. Alors c'est un sujet que je connais assez bien puisque je suis partenaire scientifique de plusieurs ONG qui s'intéressent justement à la pollution des mers et des océans par les plastiques, notamment l'expédition Tara et puis l'expédition Méditerranée, Méditerranée en danger, l'expédition MED. Alors il faut différencier les sources de microplastiques, les sources de pollution avec les microplastiques primaires et les microplastiques secondaires, parce qu'on va retrouver déjà dans les mers, les océans, dans la nature en fait, des microplastiques primaires donc qui résultent justement par exemple des microbilles exfoliants dans les cosmétiques, des granulés qui sont échoués ou qui sont perdus par des chalutiers par exemple, et puis effectivement les microplastiques secondaires, c'est-à-dire ceux qui résultent d'une dégradation progressive dans le temps d'objets plastiques, souvent des sacs, souvent des bouteilles, souvent effectivement des matières issues de l'emballage, et qui vont progressivement se fragmenter, se dégrader et arriver à des tailles, on va dire, microscopiques. Et le danger, justement, c'est lorsque ces microparticules atteignent des tailles aussi faibles, c'est que tous les organismes marins, par exemple, les poissons en particulier, peuvent les confondre avec le plancton et les ingérer aussi bien qu'ils ingéraient du plancton. Et c'est lorsque, justement, la dégradation conduit à des microplastiques de taille aussi faible que celle-ci que les dangers sont, à mon avis, les plus importants. Alain Marty, sur cette dégradation en microplastique? Il y a quelques années, il y a eu une tentative de faire du polyéthylène dégradable, qui s'appelait les oxo-dégradables. Alors, je suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai compris, au moins la première génération, en fait, c'était on introduisait des catalyseurs chimiques dans la matrice de plastique, et en fait, ça conduisait à de la fragmentation et non pas à de la biodégradation. Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ils sont dorénavant interdits, et ils le sont seront. Et l'interdiction va être élargie à l'Union européenne, d'ailleurs, quoi. Parce que c'était une très mauvaise réponse, parce qu'effectivement, ça a accéléré la fragmentation, mais sans aller au-delà de la fragmentation, et c'était en fait plus néfaste qu'autre chose, quoi. Bakélite dans la chanson de Serge Gainsbourg, évidemment, on a craqué. C'était sur Sex and Son, puisque nous parlons de plastique, et la bakélite, c'est le premier plastique de synthèse qui a été inventé par l'humanité. Je passe sous le contrôle d'Alain Marty, qui est directeur scientifique de l'entreprise Carbios, qui va nous parler de ses activités dans un instant. Et en duplex depuis les studios de France Bleu Brésisel à Quimper, de Stéphane Bruzeau, qui est professeur à l'université de Bretagne Sud, à l'Institut de Recherche du Puy de l'Aume. Alors, on a parlé, et on va reparler dans un instant, des défis que pose le recyclage des matières plastiques, et notamment le problème lié à un certain nombre d'additifs qui, eux aussi, complexifient encore un peu plus le recyclage de ces matières plastiques et le coût de ce recyclage. Mais l'autre option, c'est bien entendu de développer l'usage des plastiques biosourcés et biodégradables. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à la production de caoutchouc au laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc pour voir comment les ingénieurs ont intégré les normes environnementales dans leur production d'élastomères. Oui, avec BioProof, un programme éco-responsable dans la production de caoutchouc. Caoutchouc qui est un type d'élastomère. Alors ce programme BioProof a pour objectif de fournir aux industriels des pièces biosourcées et recyclables. Bruno Muret et Antoine Béguet m'ont fait entrer dans leur usine où ils développent actuellement une nouvelle formulation chimique pour produire des matériaux plus performants et résistants. Nous, ce que nous avons cherché à faire, c'est maximiser le nombre de produits recyclés ou biosourcés dans la formule. Et on a établi des formules qui gravitent autour de 70-75% de produits verts recyclés ou biosourcés. Donc nous avons tous les moyens pour apprécier l'intégralité du process d'utilisation, de fabrication et d'incorporation de ces matériaux biosourcés ou recyclés dans la chaîne de production de mélange de caoutchouc. Là, on se dirige vers l'atelier. On se dirige vers l'atelier dans lequel vous pourrez voir le cycle complet de la matière, c'est-à-dire la matière de base, l'échantillonnage, c'est-à-dire la pesée des ingrédients pour faire un mélange, et ensuite la réalisation du mélange. Ah oui, ça ressemble vraiment à une usine ici. Ça ressemble à une usine. Hein. Voilà, là on rentre dans le magasin de matières premières. Vous êtes dans ces casiers, il doit y en avoir au moins une bonne trentaine, différents gommes donc différents caoutchoucs. On sera un peu dans l'équivalent d'une arrière-cuisine où on trouve tout. Oui, c'est ça, absolument. Matériaux de base. Et puis vous trouvez la pesée, les éléments pesés. Là, vous avez une balle de caoutchouc naturel qui était tranchée. Ce sont des balles qui font 33 kg. Celle-ci a été déjà sectionnée. Donc, un caoutchouc à l'état brut qui provient d'un matériau d'origine végétale, hein, en l'occurrence qui vient de Thaïlande, celui-ci. Hein. Il a une coloration très sympathique, une odeur un peu particulière. Oui, c'est une odeur un peu fumée légèrement. Absolument. Donc, un matériau qui vient de ce latex que dégage l'EVA, qui est recueilli dans des tasses, qui est coagulé. C'est un matériau naturel, ce qui a une certaine souplesse, une certaine élasticité. Et l'objectif de la formulation du caoutchouc, c'est d'améliorer sa résistance et de réduire sa thermosensibilité aux températures hautes ou basses. Ce matériau naturel, qu'est-ce qu'on va lui faire subir comme transformation ? C'est ce que nous allons voir. On va dans un premier temps l'associer à d'autres ingrédients pour améliorer notre formule de base. Si on souhaite faire un caoutchouc mousse, on va mettre des agents gonflants. Et puis surtout, on va mettre un système dit de vulcanisation, de réticulation. Chauffage à haute température. La vulcanisation, effectivement, fait référence à un changement d'état macromoléculaire via... Réticulation. Voilà, absolument. On passe d'un réseau bidimensionnel à un réseau tridimensionnel qui permet d'améliorer très fortement la structure de la matière en créant des ponts, des liens entre les macromolécules de caoutchouc. Donc cette opération est extrêmement importante, donc à haute température, et elle permet de conférer à la matière, elle permet d'améliorer très fortement l'élasticité de la matière et sa résistance aux températures hautes et basses. Donc en fait, on peut synthétiser des matériaux plus performants dans des processus propres. Alors, ce n'est pas tout à fait une logique de synthèse, c'est plus une logique d'assemblage, hein. Comme la recette de cuisine. Je rajoute la petite pointe qui fera non pas la saveur du pneumatique, mais sa performance. Donc, on est dans cette logique de formulation. J'ai une formule, je respecte au gramme près la recette. Donc là, on a les gommes de base, les gommes brutes, qui est le gros, c'est la farine, si vous voulez, du gâteau. Ensuite, on va passer à côté. Vous aurez tous les petits produits. Alors là, c'est notre salle à épices. Donc vous voyez, vous avez un nombre extrêmement important de produits divers et variés qui ont toutes leurs fonctions précises. On retrouve le soufre, cet agent de réticulation que j'évoquais tout à l'heure. On retrouve des colorants, des protecteurs, etc. Alors tout ça, évidemment, on évoquait Rich. Nous sommes très directement impactés par ce règlement européen que l'on suit depuis 2003, bien avant d'ailleurs. Juste pour rappeler, Rich est un règlement européen qui vise à développer des processus chimiques plus respectueux de l'environnement. Voilà, donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on touche du doigt, on utilise des substances diverses et variées. Donc il est important que toutes les choses soient en place. On va passer à la suite, si vous voulez. Donc, troisième catégorie de produits, c'est les noirs de carbone, les charges. Alors là, en quantité relativement importante. C'est un produit qui permet d'améliorer la résistance mécanique des matériaux. Alors, c'est un produit très pulvérulent. Donc, vous voyez, on aperçoit, on va ouvrir les containers. Donc, c'est un élément important qui confère et améliore la résistance, les propriétés mécaniques des caoutchoucs. Donc là, pour reprendre le cycle de fabrication de ce mélange, on a vu les ingrédients de base. Une fois qu'on a bien déterminé et pesé tous les ingrédients de base, il faut ensuite les malaxer, les mélanger tout simplement, comme en cuisine. Alors, on va s'arrêter devant le mélangeur externe. C'est deux rouleaux qui tournent en sens inverse, ce qui permet de mettre la matière et d'assurer l'objectif et d'assurer un mélangeage le plus homogène possible pour que tous les ingrédients soient le plus correctement répartis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la qualité de la dispersion va déterminer la qualité de la pièce en service. Par rapport à BioProof, on est typiquement... Enfin, on est dans des tendances de fond, des tendances importantes de nos industries et de notre industrie du polymère et du caoutchouc en particulier, où on ne pourra pas faire abstraction de toutes ces considérations d'ordre environnemental. Ça concerne le recyclage, ça concerne des matériaux de biosourcés, ça concerne la longévité des produits, ça concerne la réutilisation. Voilà. Donc c'est tout un cycle, toutes de préoccupations très très fortes qui, au-delà des fluctuations de l'activité économique ou du prix des matières premières de base d'origine pétro-sourcée, constitueront demain notre environnement industriel. Voilà le reportage du jour sur ce caoutchouc et ses élastomères biosourcés. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un l'autre, Alain Marty ? Pas du tout, je voulais prendre des notes, c'est pour ça que vous allez nous parler dans un instant de votre propre activité. Stéphane Bruzeau, une réaction à ce que vous entendez. Juste réagir, parce que puisque le sujet de la discussion depuis tout à l'heure, c'était quelque part la question de la fin de vie, quoi, la fin de vie de ces matériaux-là. Là, le projet est très séduisant, certes, mais en tous les cas, ça ne résout pas le problème de la fin de vie, puisqu'on parle ici de matériaux biosourcés, c'est-à-dire de matériaux produits à partir de ressources renouvelables, à distinguer des matériaux, on va dire, fossiles, issus du pétrole, qui sont des matériaux dont la ressource s'épuise à terme. Donc là, on est effectivement sur la discussion autour de l'origine, de la matière première qui permet de produire le matériau, mais qui est complètement indépendante et décorrélée avec sa fin de vie. Parce que biosourcé n'est pas synonyme de biodégradable, Stéphane Bruzeau ? Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Le qualificatif de biosourcé fait référence à la matière première qui permet la fabrication du matériau. Le pétrole, considéré comme une ressource fossile, certes naturelle, mais fossile, parce qu'elle a tendance à s'épuiser à terme, puisque c'est un processus naturel, mais qui met des siècles et des siècles à se dérouler, par opposition aux ressources d'origine renouvelable, issues essentiellement du monde végétal, puisque là, en revanche, la nature est capable de se renouveler dans une échelle de temps, on va dire, compatible avec l'échelle humaine. Mmh. Et effectivement, le qualificatif biodégradable fait référence vraiment à toute autre chose. Et ce qui pose parfois l'ambiguïté du terme de bioplastique, puisque dans les bioplastiques, en fait, on va retrouver trois catégories de bioplastiques. On va retrouver ceux qui sont biosourcés, mais non biodégradables. On peut aussi retrouver ceux qui sont biodégradables, mais non biosourcés, c'est-à-dire d'origine pétrochimique. Et on peut retrouver la troisième catégorie, qui pour moi est le must, en quelque sorte, ceux qui sont à la fois biosourcés et biodégradables. Alain Marty, parlez-nous un peu de votre démarche à Carbios, justement, sur cette fabrication de plastique biosourcé et ou biodégradable. Racontez-nous. Donc, Carbios ne veut absolument pas éradiquer les plastiques, mais plutôt s'intéresser à leur fin de vie, soit en termes de biodégradation, soit en termes de recyclage. Juste une petite anecdote, le week-end dernier je faisais les soldes comme tout le monde, j'ai croisé deux jeunes filles qui avaient fait des achats certainement précieux et qui transportaient ça dans des sacs en carton ou en papier, et à Toulouse, comme aujourd'hui à Paris, il pleuvait. Et à un moment, ce qui devait arriver arriva, leurs beaux chemisiers et leurs belles robes ont fini dans le caniveau. Donc nous, un des premiers objectifs de Carbios, c'est de développer des sacs à usage unique ou des matériaux à usage unique tels que des touillettes ou des assiettes, mais biodégradables et biosourcés pour répondre à la loi de transition énergétique. Et en fait, l'innovation de Carbios, c'est d'inclure des enzymes donc qui seront les catalyseurs de la biodégradation. Mm-hmm. Donc, directement à l'intérieur. Donc en fait, une de nos technologies, une enzyme, c'est un peu comme un petit ciseau moléculaire. Un polymère, c'est fait comme un collier de perles, de différentes perles. Et l'enzyme vient couper la liaison chimique entre ces perles et libérer les perles. Et donc sur la partie biodégradation, on se base sur un polymère qui aujourd'hui émerge, qui s'appelle le PLA, qui est le polylactique acide. Alors lui, il a un avantage, comme vient de le dire Stéphane Bruzeau, c'est qu'il est biosourcé. Donc on le produit à partir d'acide lactique qui est produit par voie biologique. C'est-à-dire par le maïs, par le lait? Par exemple, on va le produire à partir de sucre, plus ou moins complexe, et par fermentation. Ensuite, par des voies chimiques, cet acide lactique est polymérisé et on en fait un polymère qui a des propriétés intéressantes, qui est biosourcé 100%, par contre qui n'est pas biodégradable à température ambiante, je dirais. Donc si vous le mettez dans votre compost, dans votre maison de campagne, il ne se dégradera pas. Donc, s'il se dégrade à quelle température? Vers 50 degrés en général? Il va se dégrader au-dessus de, on va dire, 60 degrés. Donc ça veut dire que des composts industriels. Dans des composts industriels ou dans des incinérateurs? Ou dans des incinérateurs. Quelles sont aujourd'hui, Alain Marty, les limites à la production de plastique biosourcé? Parce que, évidemment, tout ce qui est biosourcé dit agriculture, dit culture parfois intensive, et qui dit culture intensive dit forcément développement, utilisation d'intrants, gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre là-dedans? Dans tous ces domaines, il y a eu les premières générations qui étaient faites à partir de sucre et qui entraient directement en compétition avec la l'agroalimentaire, de plus en plus, on essaie d'utiliser des déchets, donc de valoriser des déchets pour faire ces sucres et ensuite faire des composés d'intérêt tels que l'acide lactique pour le PLA. Stéphane Bruzeau, sur les limites du développement des plastiques biosourcés, on est dans une autre génération aujourd'hui, comme vient de le dire Alain Marty. On ne fait plus, parce qu'au début, on a trouvé par exemple le palmier à huile en disant formidable, on va pouvoir extraire des sucres et faire du plastique à partir du palmier à huile. Mmh. Sauf qu'on sait aujourd'hui que l'huile de palme, c'est une catastrophe écologique, ça crée de la déforestation et que c'est un fléau contre lequel il faut se battre. Est-ce qu'on a aujourd'hui trouvé des nouvelles formules pour arriver à des plastiques biosourcés qui n'empiètent pas ni sur l'agroalimentaire, comme vient de le dire Alain Marty, et ni qui ne produisent pas de manière déraisonnable des effets néfastes sur l'environnement, que ce soit pour l'atmosphère ou pour les intrants chimiques? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain Marty. Alors, autant il y a 10-15 ans, effectivement, lorsque les biopolymères, les bioplastiques ont refait leur apparition, si je puis dire, puisque c'était les premiers polymères qu'on a pu découvrir il y a presque deux siècles aujourd'hui, avec la cellulose et puis le caoutchouc naturel dont on a parlé. Effectivement, beaucoup de matières premières émanaient de sucre ou d'acide gras ou d'huile végétale qui rentraient directement en compétition avec le domaine alimentaire, mais de plus en plus, depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, je trouve que ce débat n'a plus lieu d'être parce que, effectivement, que ce soit les industriels ou les universitaires, on développe des projets à partir donc de coproduits, à partir de déchets, à partir de ressources qui ne sont pas comestibles en tous les cas, qui peuvent être cultivées aussi sur des terres non arables et donc qui ne rentrent pas du tout en concurrence frontale effectivement avec le secteur de l'alimentaire, qui était pour des raisons éthiques, on le sait, un point qui était assez discutable pendant de longues années, mais je crois qu'aujourd'hui, industriels et universitaires ont bien pris conscience de ce problème-là et essaient d'imaginer des procédés effectivement éthiquement plus responsables et aussi environnementalement parlant, je dirais plus responsables, puisqu'on développe aussi des outils qui s'appellent des outils d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie, où lorsque vous parlez d'intrants, justement, tout à l'heure, eh bien, on est capable, tout au long du cycle du bioplastique, par exemple, en remontant jusqu'à la matière première et en allant jusqu'à sa fin de vie, on est capable d'évaluer tous les intrants, justement, toutes les ressources qui peuvent être consommées au cours de l'ensemble de ce cycle, tous les impacts environnementaux qu'on peut estimer justement en connaissant les entrants et qui permet d'avoir effectivement une analyse de cycle de vie au final, eh bien, que l'on peut discuter et à partir de laquelle on peut évaluer. On peut évaluer avec un petit peu de recul néanmoins, mais on peut évaluer l'impact environnemental du plastique, du bioplastique, tout au long de son cycle de vie. Donc ce sont des outils qui se développent de plus en plus depuis une dizaine d'années et qui sont vraiment, à mon sens, un marqueur de l'impact environnemental de n'importe quel bioplastique qu'on peut développer, mais qu'on peut appliquer aussi à des procédés, à des méthodes et qu'on peut élargir à d'autres utilisations. Se pose également une question toute simple, mais centrale, celle du coût, Alain Marty, puisque si les plastiques se sont répandus aussi rapidement et de manière aussi massif, c'est évidemment parce qu'ils coûtaient très peu cher à produire. Aujourd'hui, tous les plastiques biosourcés et ou biodégradables coûtent toujours un peu plus cher, donc ne rentrent pas encore dans des logiques industrielles de rentabilité. Est-ce que vous avez des solutions pour cela? C'est sûr que si on regarde le polyéthylène, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 euro du kilo. Si je parlais tout à l'heure du PLA, c'est le double à peu près. Donc c'est sûr qu'il y a un problème économique majeur, mais on n'a rien sans rien, je dirais. Hein. Aujourd'hui, si on veut résoudre les problèmes écologiques, bah, quelque part, il faut qu'on soit capable de payer. Et finalement, si on regarde le problème des sacs plastiques, on utilisait des milliards de sacs plastiques, et juste par une décision gouvernementale, on a largement diminué leur utilisation. Et puis finalement, aujourd'hui, les gens sont prêts à payer quelques centimes. Vous pensez qu'il faut une incitation gouvernementale étatique pour des entreprises comme la vôtre, au détriment par exemple des plasticiens qui devraient du coup payer une taxe supplémentaire pour des dégâts environnementaux, quelque chose comme ça? C'est certain que le consommateur a un poids important, mais aujourd'hui, les gouvernements, la législation européenne, les législations nationales sont un incitateur fort. C'est un peu la pichenette qui permet de faire basculer vers une économie plus durable. Stéphane Bruzeau, vous croyez cela, à une taxe européenne, étatique, nationale ou internationale, sur les fabricants de plastique polluants? C'est toujours assez mal perçu, les taxes. Hein. On l'a vu à quelques occasions ces dernières années. Mais moi, je pense qu'effectivement, pour répondre à la question précédente, je pense que le problème principal aujourd'hui pour les bioplastiques, c'est la question du modèle économique. C'est la question du modèle économique où, pour des secteurs sur lesquels les bioplastiques sont positionnés, à mon sens, ils sont hors de prix comparativement aux plastiques qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, le développement des bioplastiques, il ne passe que dans des applications pour des secteurs à plus haute valeur ajoutée, tels que le biomédical, par exemple, tels que l'impression 3D, tel que le marché des cosmétiques, qui permet justement d'absorber, on va dire, le surcoût lié aujourd'hui, quelque part, à l'innovation, parce qu'aujourd'hui, des plastiques... C'est en gros, c'est même pas 1% du marché des plastiques. Donc ce sont des matières qui sont rares, qui sont forcément chères, qui sont peu disponibles et pour lesquelles, évidemment, les industriels sont encore assez frileux à les développer. Et donc, effectivement, je pense que les incitations fiscales, ce sont toujours des idées qui sont assez mal perçues, on va dire, par les citoyens. Après, il y a des incitations législatives. Ou par les entrepreneurs aussi, oui, de toute façon. Ou par les industriels, oui. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des incitations législatives à travers effectivement déjà les différentes lois dont on a pu parler. Je pense qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie, donc aussi bien auprès des industriels que des politiques, que des citoyens, pour bien montrer effectivement toutes les problématiques liées à la surutilisation de matières plastiques et tout l'intérêt qu'on peut avoir parfois pour de substituer une partie de ces plastiques par des bioplastiques. Donc je pense, quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de réflexions à mener pour essayer effectivement de faire en sorte que le marché s'élargisse, parce que tant que le marché restera autant confidentiel, les coûts seront forcément élevés, et c'est un peu toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et bien, tant qu'il n'y aura pas un petit coup de pouce ou une pichenette, comme disait Alain Marty tout à l'heure, et bien on continuera à tourner en rond et à rester, on va dire, dans un marché confidentiel. Alors il y a une petite pichenette qui vient peut-être du milieu universitaire, hein, parce qu'une publication du 19 janvier dernier dans la revue Science Advances de chercheurs de l'université de Madison aux États-Unis qui ont trouvé une façon de produire du PEF, hein, du polyéthylène furanoate à base de fructose au même coût que le PET. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi un espoir du côté de la recherche, Alain Marty ? Oui, c'est sûr que... Alors, juste pour apporter un petit commentaire, il y a un cercle vertueux aussi qui peut s'entamer. Aujourd'hui, une usine qui produit du PE ou du PET, ça se compte en centaines de milliers de tonnes, voire aujourd'hui en Chine en millions de tonnes. Une unité de PLA ou de PHA, qui sont les deux principaux biopolymères, ça se compte en dizaines de milliers de tonnes. Donc il y a des économies d'échelle à faire et le développement de procédés plus efficaces permettra fortement de réduire les coûts. Évidemment, le PEF aujourd'hui est un espoir. La question c'est un jour remplacera-t-il le PET ? Il a des propriétés qui sont remarquables. Mais voilà, il va falloir remplacer toute une économie qui est basée sur le PET avec des usines qui sont énormes. On va peut-être un tout dernier mot avant d'entendre, oui, comme tous les mercredis, la recherche montre en main. Stéphane Bruzeau, vraiment en quelques secondes, est-ce qu'il y a aussi Juste par rapport à la remarque que vous faisiez là, suite à l'article de Science, bon, je pense qu'il faut surtout aussi se méfier des effets d'annonce, parce que moi ça fait 10 ou 15 ans que je suis sur le secteur des bioplastiques, j'ai vu passer des milliers d'annonces dont très peu ont été concrétisés par des actes. Donc attention aux effets d'annonce, parce que quand on a une veille suffisamment prolongée sur ce secteur-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communication qui est faite sur ce sujet-là et qui parfois donne lieu à des résultats qui sont assez mauvais, quoi. Eh bien écoutez, en attendant, on va aller faire un tour vers le futur justement de la recherche sur les plastiques et sur toutes ces thématiques que nous avons abordées aujourd'hui, avec un futur qui, espérons-le, sera brillant, puisque comme chaque mercredi, nous recevons une jeune doctorante qui vient nous présenter ses travaux de recherche autour du thème de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Pauline Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse en sciences chimiques au laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Tiens, tout d'abord, je voudrais vous remercier donc pour votre invitation. Et comme vous l'avez dit, donc je travaille au laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux. Au sein de l'équipe des biopolymères et des polymères biosourcés, donc nos recherches sont effectivement axées sur le développement de nouveaux polymères à partir de ressources renouvelables, pour remplacer donc les matières plastiques pétrosourcées. Donc c'est pourquoi nous travaillons à partir de la biomasse. Et une partie de notre équipe s'intéresse à la biomasse oléagineuse, donc qui regroupe les huiles végétales. Mais je m'intéresse personnellement à un autre type de biomasse, donc la biomasse lignocellulosique. Donc cette biomasse, elle provient du bois, mais elle provient aussi des plantes. Et elle représente en fait une des ressources renouvelables les plus abondantes sur Terre. Donc, alors, de quoi est-elle constituée? Donc, elle est constituée de trois macromolécules différentes qui sont entrelacées. Donc, il y a la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Parmi les trois, donc, la cellulose est le biopolymère majoritaire. C'est aussi actuellement, elle est aussi actuellement très largement exploitée puisque vous pouvez la retrouver dans le papier, les additifs alimentaires, les fibres textiles, le coton, etc. Et pour justement pouvoir façonner cette cellulose et lui donner une application, l'idée c'est de se débarrasser des hémicelluloses et de la lignine. Donc les bois, le bois et les plantes pour ce faire vont alors être traités par différents procédés chimiques qui vont modifier à la fois les hémicelluloses mais aussi la lignine, pour pouvoir en extraire seulement, finalement, la cellulose. Donc, au cours de cette extraction, il y a libération de sous-produits qui sont issus de la dégradation des hémicelluloses et de la lignine. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'intervient ma thèse, donc qui s'intitule « Valorisation de dérivés de la biomasse lino-cellulosique pour des polymères biosourcés », puisque, en réalité, nous savons extraire la cellulose et lui trouver une application. Pourquoi n'allons-nous pas plus loin en cherchant une voie de valorisation des sous-produits qui ont volontairement été retirés lors de l'extraction? Donc c'est effectivement l'objectif de ma thèse, et en particulier je m'intéresse principalement à la valorisation des composés qui sont issus de la dégradation des hémicelluloses uniquement. Donc pour aller plus loin, vous en avez parlé, les hémicelluloses sont des polysaccharides, donc c'est-à-dire des polymères qui sont constitués d'un enchaînement de sucres simples, comme le glucose pour ne citer que le plus connu. Et il a été reporté que la dégradation de ces hémicelluloses formait principalement des hydroxyacides. Donc pour vous donner un exemple d'hydroxyacide, et vous en avez aussi parlé plus tôt, je pourrais citer l'acide lactique, donc qui est effectivement bien connu pour être dégradé par l'organisme lors d'une activité physique. Seulement, ce n'est pas aussi simple, puisque la dégradation des hémicelluloses, en fait, elle ne crée pas seulement un seul type d'hydroxyacide, mais en réalité un mélange d'hydroxyacides. Donc si on revient au procédé d'extraction de la cellulose, et en particulier celle du bois sur laquelle je travaille, vous avez finalement, à la fin de l'extraction, un mélange qui est majoritairement constitué d'hémicelluloses dégradées, donc c'est-à-dire d'hydroxyacides, et de lignine modifiée. Donc au cours de ma première année de thèse, je me suis focalisée sur l'obtention du mélange d'hydroxyacides. Donc aussi la séparation et l'identification de chaque hydroxyacide présent dans le mélange. Et à partir de là, donc, je vais commencer le travail de valorisation puisque j'ai à ma disposition, je dirais, une gamme d'hydroxyacides dont les possibilités de valorisation sont étendues. Donc nous pourrions créer de nouveaux polymères biosourcés, donc comme vous l'avez dit, le PLA, mais aussi modifier chimiquement ces hydroxyacides pour apporter des propriétés spécifiques à certaines applications, notamment en agroalimentaire ou en cosmétique. Donc c'est ce dans quoi je me lance pour cette deuxième année. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Vincent, pour cette présentation. Une petite réaction à ce que vous venez d'entendre, peut-être Stéphane Bruzeau ou Alain Marty. Stéphane Bruzeau? Non, je trouve que c'est un projet effectivement très séduisant. Je connais bien mes collègues de Bordeaux qui travaillent sur cette thématique-là depuis un certain nombre d'années. Parce qu'effectivement, la cellulose, la lignine, l'amidon, de manière générale, tout ce qu'on appelle les polysaccharides, comme vous l'avez dit, constitue un réservoir quasi infini de matières premières pour la fabrication de polymères et de biopolymères. Et je pense que c'est effectivement des voies qu'il faut creuser, qu'il faut développer, puisqu'elles permettent de réduire justement l'utilisation de pétrole pour la fabrication de matières plastiques, de réduire aussi notamment les gaz à effet de serre, puisque la pétrochimie, c'est quand même une industrie qui fait partie des industries les plus polluantes, et on a tout intérêt, je pense, effectivement, à aller vers des procédés qui soient plus vertueux, plus intégrés dans le monde végétal pour développer donc les produits de demain. Alain Marty. Oui, bah, je crois qu'on est à un tournant et que l'innovation scientifique et la recherche, en particulier la recherche française, va permettre de relever ce challenge, faire des matériaux biosourcés moins onéreux à partir de la biomasse, ou comme le développe Carbios, refaire une bouteille à 100% à partir d'une bouteille ou d'un textile usagé. Voilà, et on n'a pas parlé de plein de sujets, on n'a pas parlé notamment d'un certain nombre d'industriels qui se sont engagés, hein, on parlait des marchands de soda tout à l'heure, qui se sont engagés à produire dans les années qui viennent des bouteilles 50, 75, 100% composées de plastique recyclable. On n'a pas parlé aussi de la recherche sur les bactéries ou les micro-organismes qui peuvent synthétiser, liser les plastiques, c'est un autre pan de la recherche, mais on vous a mis un certain nombre de liens pour compléter l'écoute de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alain Marty, merci Stéphane Bruzeau, merci à vous Pauline Vincent, et puis merci aux camarades de France Bleu Brésisel à Quimper et de France Bleu Gironde à Bordeaux pour les duplex du jour. Et puis merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Sarah Hijemans, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans un instant le troisième épisode de la série documentaire de la semaine par Perrine Kervran et Diffie Mariani. Cet étrange désir de posséder des œuvres d'art. Tout à l'heure à 18h20, après le journal de 18h, réforme de l'État, faut-il supprimer le classement de sortie de l'ENA? C'est la question que posera Hervé Gardette à ses invités du Grain à Moudre. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous nous enfoncerons dans la forêt profonde et obscure et nous tâcherons d'aller débusquer dans sa tanière le plus vieil ennemi de l'homme. Il sera question de l'histoire du loup demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.